Carglass répare, Carglass remplace. Voir conditions sur carglass.fr. La Black Friday Week, c'est maintenant sur Amazon, avec des ventes flash pour toutes vos envies. Pour préparer les fêtes, acheter des cadeaux pour vos proches ou tout simplement pour vous faire plaisir, laissez-vous tenter. Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. La Black Friday Week sur Amazon, c'est jusqu'au 26 novembre. Livraison gratuite en France à partir de 25 euros d'achat d'articles éligibles, expédiés par Amazon. Voir les conditions sur amazon.fr. À la fois architecte, directeur des achats et des travaux, il sait tout faire. Lui, c'est Barnabé. Barnabéton, entrepreneur du bâtiment. Et son nouveau Citroën Berlingo Van, jusqu'à 1000 kg de charge utile, élu utilitaire de l'année 2019. Nouveau Citroën Berlingo Van, comme vous, il sait tout faire. Pendant les jours pro, profitez-en à partir de 139 euros par mois avec cabine extenso offerte. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, premier loyer 2909 euros, offre d'un cumulable hors taxe réservé aux professionnels, valable jusqu'au 30 novembre sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Pour une vie sans carbone, chez Vattenfall, on aurait pu vous inciter à éteindre votre radio. Ouais, mais si on fait ça, les gens vont pas entendre la fin de notre spot. Bonne remarque, oui. Pas bête. Nous proposons donc plutôt une électricité neutre en carbone, 12% moins chère. Appelez le 3255 ou rejoignez-nous sur vattenfall.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Offre de marché, voire conditions sur site, prix d'un appel local. Bonjour, bon début de semaine avec RTL 2. Lundi, 8h, c'est Double Expresso. Et avant d'écouter Georges Ezra et Michael Jackson, vos infos, signé Raphaël. Thomas, bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Le gouvernement maintient le cap. Le Premier ministre Édouard Philippe assure entendre la souffrance des automobilistes. Pour autant, pas question de renoncer à la hausse des taxes sur le carburant. Et ce matin, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit partout en France. Sur la 6 dans le Rhône, le péage de Lima est bloqué. Autre péage barré dans les deux sens, celui de Fontaine sur la 36. L'autoroute A16, elle est fermée à hauteur de Calais en direction de la Belgique. Et puis en Gironde, le pont d'Aquitaine reste inactif. Accessible. Il y a aussi des barrages filtrants à Bordeaux et à Nantes. Une dizaine de dépôts de carburant sont également bloqués. Ce week-end, des incidents ont émaillé la mobilisation. Les premiers procès sont prévus aujourd'hui. À Saint-Étienne, un homme qui a foncé sur un barrage sera déféré ce matin devant le parquet. Même chose pour un membre des Gilets jaunes qui s'en est pris à un automobiliste. À noter par ailleurs que la conductrice qui a écrasé samedi une manifestante en Savoie a été mise en examen hier. Coup d'envoi du service national universel en juin prochain. Le gouvernement envisage de tester le système dès cet été. C'est le secrétaire d'État Gabriel Attal qui l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Pour cette phase pilote, seuls des volontaires seront appelés. Ils sont répartis sur une dizaine de départements du pays. À terme, ce nouveau service militaire devrait être obligatoire pour 2026 au plus tard. Il concernera tous les ados âgés de 16 ans. Après l'Allemagne, direction la Belgique. Pour Emmanuel Macron, une visite d'État de deux jours où il sera beaucoup question du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ce matin, le chef de l'État sera accueilli par le roi Philippe à Bruxelles. Demain, il se rendra à Molenbeek, le fief du commando djihadiste des attentats du 13 novembre 2015. Allez, on passe au sport, Raphaël. La France jouera-t-elle la phase finale de la Ligue des Nations ? Réponse ce soir, à l'issue de la rencontre entre eux, l'Allemagne et les Pays-Bas. Pour que les Bleus se qualifient, il faut que les Allemands l'emportent. Les trois premiers à avoir décroché leur ticket ce week-end sont le Portugal, l'Angleterre et la Suisse. Et puis autre compétition, autre qualification, celle de l'Algérie qui ira au Cameroun en juin prochain à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça passe aussi pour la Côte d'Ivoire. La météo dans la matinée, il y aura quelques averses sur le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse. Cet après-midi, on attend de la neige dès 400 mètres sur les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central. Les pluies vont se renforcer en Corse. Là aussi, on attend quelques flocons. Sur le nord et le sud-ouest du pays, le ciel deviendra très nuageux avec quelques gouttes. Enfin, de la Bretagne et du centre aux Landes, le temps sera sec et ensoleillé. Les températures ce matin, elles sont froides. 0 à Saint-Mihiel et à Paris, 2 degrés à Boulogne-sur-Mer, 4 à Guingamp, 7 à Biarritz, 8 à Monaco et à Propriano. L'après-midi, on attend 4 degrés à Besançon, 5 à Tours et Clermont-Ferrand, 6 à Compiègne, 8 à Carcassonne et 11 à Menton. Bonjour, 8h03, c'est le Double Expresso RTL2. Bonjour Justine. Et salut Greg, bonjour tout le monde. Ça va, t'as passé un bon week-end ? Super week-end. T'as fait beaucoup de sport, hein. Tu m'écris pour me dire je vais courir. Oui, j'ai beaucoup mangé aussi du coup. Oui, j'ai moins culpabilisé, j'ai fait des gaufres. Des gaufres ? Ah oui, des gaufres. Et alors, c'était bon ? Ouais, c'était trop bonne. Et t'en as ramené ? Non. Ah bah ouais. Tout est dans mon ventre. Eh ben, c'est impeccable. Merci pour cette générosité. On écoute Michael Jackson sur RTL2, sans gaufres. They don't. Le King of Pop, Michael Jackson, dans le double expresso RTL de They Don't Care About Us, 8h06. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Allez, courage ce matin, je sais, ça pique, c'est un peu difficile. Début de semaine, lundi matin, vous êtes peut-être un peu bloqué sur les routes. En plus, il fait froid. On est là pour vous accompagner, évidemment, avec Justine et toute l'équipe. Tout le monde est en forme. Ouais. Parfait. Et aujourd'hui, les garçons, je suis tombée sur... Vous savez, il y a l'officiel des prénoms tous les ans, les prénoms qui ont la cote et tout. Ouais, ouais. Mais là, les prénoms qui ont la cote, c'est les chats et les chiens. Ah, ah, l'officiel des chiens et des chats, quoi. Parce que vous savez, donc il y a une lettre pour les chiens tous les ans. Année. Donc c'était le O en 2018. Donc c'était chez les chiens, à votre avis. Vous avez une idée ou pas? O. Ah ouais, mais je veux pas donner de prénoms parce que c'est des prénoms après d'humains, d'enfants. Non, Olivier. Mais non, pas Olivier. Eh ben, les plus donnés étaient Oslo, Oscar et Olaf. Et je voulais pas donner Oscar parce que c'est un prénom très donné chez les enfants et je me dis c'est chiant de le mettre chez un chien. Bah oui, écoute. Alors c'est un beau prénom. Mais les prénoms d'humains sont à la mode chez les animaux, j'ai l'impression. Ah ouais, mais et bon. Chez les chats, on s'en fiche des lettres. Donc il y avait Nala, Oreo et Joy. C'est un prénom aussi, Joy. Hein. Ouais. Moi je l'aurais appelé Patrick. Mais oui, mais. Pour pouvoir dire Patoche. Ouais, bah, je sais pas, moi je l'aurais pas appelé. Le chat. Tu vois, le chat ou le chien, c'est bien. Celui de mes parents, on l'appelle petit chat. Bah voilà, ça marche bien. Viens là, petit chat, comme ça au moins ça marche. Vas-y. Bon, bah écoutez, hein, bravo à vous. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne veux pas juger. Voici Georges Ezra, Shotgun sur RTL2. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Et Shotgun sur RTL2 à 8h11. Je sais, il fait très froid ce matin. C'est, alors, je le sais parce que j'ai vu la météo hier. Il y a un front froid venu de Sibérie. Ah oui, mais écoute. Je les ai vus bouger leurs mains sur la carte. Un front froid bleu venu de Sibérie, vous allez vous peler. En même temps, nous sommes en automne-hiver, c'est normal. Oui, mais enfin là, c'est des températures de janvier, Justine. C'est pas tout à fait normal. D'accord. Du coup, pour changer dans l'info expresso avec ce froid, je vous propose de faire vos courses tout nu. Ah là, enfin. Ça me paraît plutôt pas mal. Même en hiver, vous allez voir, c'est sympa. Vous restez si vous voulez tout savoir après Coldplay et Jane sur RTL2. Eh oui, tout nu. RTL2 Pictures present Francis Zégut.

7, c'est le double expresso RTL2. Alors c'est en fil rouge depuis le début de l'émission. Hier, Mickey a fêté ses 90 ans. Du coup, on a quelques petits chiffres, quelques infos insolites sur Mickey qui nous concernent toutes et tous. On aime Mickey. On adore. Est-ce que vous connaissez ses premiers mots? Tiens, celui qui trouve, c'est une semaine de canettes gratuites. Ah, c'est une semaine de canettes. Ah oui. Non, alors... toi, t'as pas le droit de jouer, Jules, parce que tu m'as aidé à trouver l'info. C'est de la nourriture. C'est de la nourriture. Ah oui, je sais. Hot dog. Oui. Ouais. Oui. Hein, hot dog, c'est non, son premier mot. Non, mais vous avez triché. Bah comment tu sais ça? J'avais déjà lu quelque part, désolé. Bon, d'accord, voilà. Là, c'est hot dog. Et le vrai nom de Pluto, au début, c'était Rover. Double info. C'est cadeau, c'est pour moi. Avant de faire vos courses tout nus, voici Coldplay Paradise dans le double expresso RTL2. When she was just a girl, she expected the world. She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise. Para, para, paradise. Para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Play Paradise sur RTL2. L'info expresso RTL2. Alors, on se met tout nu. Alors oui, enfin, on se met pas vraiment tout nu. J'ai trouvé ça sur actu.fr. Tout bronzé, ça nous permet d'être pop rock, vous voyez, dès le matin. En fait, c'est un drive tout nu, c'est-à-dire un drive zéro déchet. C'est pas sans vêtements. C'est tout nu, ça veut dire sans emballage. Ah, tu sais bien nous faire envie, toi. Oui. T'es une belle petite arnaque. Exactement. Le drive tout nu, Eric et Mathilde, si vous nous écoutez, restez habillés cet après-midi, 16h-19h, notre drive RTL2. En fait, c'est un drive qui s'est ouvert à Beauzelle, en Haute-Garonne, près de Toulouse. Vous faites vos courses sur Internet, ledrivetoutnu.com, ça s'appelle. Allez y faire un saut. Et comme dans un drive classique, vous passez récupérer votre commande dans des emballages réutilisables et au créneau horaire de votre choix. En fait, tout est en vrac. Exactement, c'est en vrac ou dans des emballages réutilisables. réutilisables qui seront ensuite nettoyés et remis dans le circuit. Et comme il y a de la consigne, il y a un bon d'achat qui est offert, 10 centimes la consigne. Et les clients vont récupérer leur achat, leur pâte, riz, sucre, tout ce que vous voulez, en voiture après avoir commandé sur Internet, le tout garanti sans le moindre emballage. Et ça existe dans plusieurs villes de France quand même. Et ça, ils vont le faire au Cap d'Agde, mais ils seront vraiment tout nuls, les mecs, par contre, ils s'en foutent. Oui, évidemment. Et ça vous a fait réagir sur la page Facebook du Double Expresso RTL2, hein ? Oui, Max des réseaux sociaux vous a posté cet article. Alors, vous aimez bien, hein, la plupart du temps. Valérie nous dit, c'est à tester, car ça peut être une super idée. On va faire nos courses comme au Moyen-Âge, comme quoi le progrès n'est pas toujours bon. Non. Mais je suis OK avec cette idée. J'ai pas dit à cheval, j'ai dit en voiture. Mais vous aimez bien l'idée, et Flo Flo est déçu, ce qu'il pensait pouvoir faire ses courses à poil. Mais il peut y aller, mais il va se faire arrêter. Bah, c'est un choix, hein. Allez-y, Flo Flo, hein. Allez-y en zizi piscine, vu comme il fait froid là. Faites une vidéo. Faites pas ça. Voici Jane, alright, à 8h22 sur RTL2. To look down at you. Things gonna be RTL2. Bonjour, il est 8h25. Comment va se passer ce lundi 19 novembre? Bah, je vais vous le dire tout de suite avec Justine. On attaque l'horoscope avec les médailles de bronze et les gémeaux. Ayez foi en vos capacités, elles sont très nombreuses. Les balances. Vous avez du mal à vous réveiller ce matin, courage. Les cancers. Être pessimiste ne vous mènera à rien, gardez le sourire. On passe aux médailles d'argent avec les béliers. Voilà une belle journée qui commence pour vous les béliers, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Oh, c'est bien, les taureaux. Vous réfléchissez toujours avant d'agir, c'est une grande qualité. Les lions. Dans les jours à venir, une rencontre va vous changer la vie. Les vierges. Vous êtes plus motivés que jamais pour affronter cette nouvelle semaine. Les sagittaires. Votre bonne humeur est communicative. Toujours médaille d'argent, les capricornes. Une belle opportunité professionnelle va se présenter à vous, ne passez pas à côté. Les verseaux. Profitez des instants passés avec vos proches, vous ne le regretterez pas. Les poissons. Vous n'avez pas de temps à perdre pour les gens qui vous critiquent. Et la médaille d'or est pour... Pour les scorpions aujourd'hui. En ce moment, la vie vous sourit, tout va bien, il faut en profiter. Bon anniversaire aux scorpions. Et il y aura le winner du jour à 8h35, Justine ? Avec des... oui, le winner du jour, et on connaît tous ce collègue qui a l'arrêt maladie plutôt facile. Ouais. Bah là, on a trouvé le champion du monde, et c'est pas une lumière. Ah, c'est un nunu ? Ah, c'est un nunu de compétition. Et The Fray pour son papa. How to save a life ? Sans oublier la banque RTL2, 8h45 au 3228 pour gagner jusqu'à 10 000 euros. A tout de suite sur RTL2. Écoutez RTL2, we are called Muse. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory. Écoutez RTL2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL2.

partout. Les Lyonnaises gardent 2 points d'avance en tête. Et puis toujours en foot, on connaît les premiers qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Nations. Le Portugal, l'Angleterre et la Suisse. Il reste encore un billet. Ce sera ou pour la France ou bien pour les Pays-Bas. Réponse ce soir. La météo dans la matinée, il y aura quelques averses sur le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse. Cet après-midi, on attend un petit peu de neige dès 400 mètres d'altitude sur les Vosges, le Jura, les Alpes et le Massif central. De la neige et beaucoup de pluie également en Corse. Sur le nord et le sud-ouest du pays, le ciel deviendra très nuageux avec quelques gouttes de la Bretagne et du centre-Hollande. En revanche, le temps restera sec et ensoleillé. Les températures ce matin, il fait froid. 0 à Colmar, 1 au Havre, à Angers et Limoges, 2 degrés à Salon de Provence, 6 à Biscarrosse, 10 à Ajaccio. Cet après-midi, on attend 2 degrés à Pontarlier, 6 à Paris et Dinan, 8 à Calais et 11 à Nîmes. Et retour des infos dans 30 minutes sur RTL 2. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window. Save a Life sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Le winner du jour, tous les jours à 8h35, c'est notre champion, notre neuneu, notre coup de cœur du matin, ça dépend des jours. Et on l'a trouvé ce matin sur ladépêche.fr, Justine. Notre winner du jour s'appelle Samuel, il est manutentionnaire, il a 34 ans. Et tout a commencé le 29 avril dernier. Samuel, il a participé à une course de vélo sur route avec son équipe dans la Manche. Bon, ok. En moins de 48 heures, il a quand même fait 250 km. Le problème, c'est que la veille, son médecin lui avait prescrit un arrêt de travail d'une semaine. Parce qu'il souffrait de douleurs lombaires chroniques depuis très longtemps. Bon. Ça va pas, ça, on peut pas. Bah oui, miraculeusement, il est guéri lorsqu'il grimpe sur un vélo. Oh. Donc, il a multiplié les arrêts de travail, notre Samuel, entre le mois de mai et le mois d'août. Et il en a profité là, pendant ce temps d'arrêt de travail pour participer à 16 courses de vélo avec son équipe. Enfin, tu peux pas participer à des courses de vélo si t'as un arrêt de travail. Dans la logique, non. Et alors là où il est un peu nunu, c'est qu'il a quand même partagé ses exploits sur les réseaux sociaux. Donc là où tout le monde peut le voir. Ah bah oui, bah, il s'est fait gauler. Donc hein. Évidemment, il s'est fait choper. Il est donc soupçonné d'escroquerie, parce qu'il a quand même été au tribunal, hein, du coup. Oui. Quand on lui a fait remarquer que ses arrêts tombaient comme par hasard juste avant ses courses, il a répondu « Bah, je n'ai pas simulé, mon médecin ne m'a jamais dit de ne pas faire de vélo. Ah » Ah là là, il n'a pas prévenu. Donc le procureur a pas été très convaincu par ses explications. Il a demandé une expertise médicale. Donc l'affaire a été mise en délibéré pour fin janvier prochain. Donc voilà. Et je vous préviens, mon médecin aussi m'a fait un arrêt de travail. Ah bon? Il m'a dit j'avais besoin de soleil, de plage et de ski nautique. Ah, ouais, oui. Vous êtes prévenu comme ça. Hein. C'est ton cousin. Oui, ton médecin. Bon, c'est la famille. C'est ça. La distance, évidemment. Vas-y, Caléo. Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go. Sur RTL2. Dans 5 minutes, on joue au jeu de la banque. Alors, on appelle quel numéro, Greg ? Alors, Justine, c'est le 3228 ou alors par SMS. On envoie banque au 74-900. C'est simple. Hein. Et on gagne jusqu'à ? Jusqu'à 10 000 euros. Et il y a également plein d'autres cadeaux dans cette banque RTL2. Et on écoutera Suzanne Vega. Bien, oui, bien sûr, c'est parfait. Tu fais ça bien. Ouais. Luca, 14 années d'entraînement. A tout de suite sur RTL. Bonjour, c'est Vanessa Paradis sur RTL2. J'ai une surprise pour vous. RTL2 présente Vanessa Paradis en concert très très privé. À l'occasion de la sortie de son nouvel album Les Sources, dès que vous entendez le dernier titre de Vanessa Paradis, soyez les premiers à nous appeler au 3228. Et gagnez le transport, l'hôtel et vos invitations pour son concert très très privé RTL2 à Paris. RTL2, ma radio pop rock. 50 centimes la minute plus prix de l'appel. Nocibé.

My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. I think you've seen me before. Et Luca sur RTL de 8h49. C'est l'heure de la banque RTL 2. Bonjour Anastasia. Bonjour Greg, bonjour Justine. Coucou Anastasia. Ça va bien ? Bonjour, bonjour. Oui, je suis trop trop heureuse de vous entendre, de vous avoir au bout du fil. C'est génial. Bah, merci, nous aussi. Et j'adore votre prénom parce qu'en plus, c'est le dessin animé préféré des filles de la famille. Vous savez, le Anastasia, bah ouais, j'adore. Voilà, sachez-le pour cette petite incursion dans la famille Acher qui n'a aucun intérêt, je vous l'accorde. Vous êtes à Monton, c'est à côté de Clermont-Ferrand. Ouais, vous êtes de bonne humeur ce matin, j'ai l'impression. Oui, mais moi toujours, moi, je suis positive à fond dans la vie. Vous avez un beau métier qui va plaire à notre réalisateur Jérémy. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je suis livreuse de pizza. Applaudissements ! C'est le job essentiel, celui qui sauve des vies, c'est vous, bravo. Ce qu'il faut savoir, voilà, on en a une qui plaît beaucoup, c'est le mélange poulet ananas. Bien sûr. Non, bah c'est un débat, ça. Bien sûr. Tout à fait. Je l'ai entendu la semaine dernière, le débat. Vous créez la guerre dans le sein de l'équipe, mais c'est pas grave. Bien sûr qu'on a le droit de mettre de l'ananas. Je sais que vous êtes contre, mais la bien sûr. La fameuse hawaïenne, non ? Bien sûr, la hawaïenne. Bon, peut-être de beaux cadeaux pour vous. Attention, coffre vide jusqu'à 10 000 euros, des séjours, des smartphones. Top chrono, une minute pour la banque RTL de coffre 1. Un séjour à Aix-en-Provence avec weekendesk.fr. Un week-end en amoureux. Non, je passe. Coffre 2. 300 euros. Oula. Du cash. C'est sympa, mais je vais essayer d'avoir un peu plus. Bon, alors coffre 3. 500 euros à dépenser sur placedestendances.com. Pratique. Non, je passe. Attention, hein, coffre 4. Oui. Un séjour Thalazur pour deux personnes. Wow. Séjour pour deux personnes à Saint-Jean-de-Luz pour près de 2000 euros. Demi-pension et des soins. Trois jours, trois nuits, un grand week-end. Ah oui, je prends. On prend ça? Oui, c'est génial. Allez, c'est génial. Anastasia, vous partez sur la côte basque du côté de l'hôtel Elianthal Thalazur Thalassothérapie Spa à Saint-Jean-de-Luz. J'adore cette ville. Trois jours, trois nuits en cure escale sublime détente Z, demi-pension et 12 soins. Waouh!